Years back down the family line, and all the life God gave me, I'd be working down the mine. I would rarely feel the sunshine, I would never leave my town. I wouldn't get to stay in school and wear the cap and gown. I'd be doing what I must down among the darkness and the dust. If I'd been born 1,000 leagues from this old sceptred isle, I'd have so many reasons that I find it hard to smile. There is trouble in the water and a drought across the land, waiting for the war to end, to get a helping hand. I'd be doing what I must down among the darkness and the dust. I'd been born 100 years from when I write this tune, they might have pushed the button and be living on the moon. They'll be eking an existence in a bubble up in space, the final few survivors of the hallowed human race. I'd be doing what I must down among the darkness and the dust. Turns to rust. It's hard to find a place you can trust down among the darkness and the dust. Put me here in this place and at this time. I get to live in comfort and I get to sing my rhyme. I'm not sure that I am worthy, I'm not sure if I've been blessed, but I'll take what I've been given and I'll try to do my best. I'll be doing what I must darkness and the dust. I'll be doing what I must down among the darkness and the dust. Hello and welcome, bonjour et bienvenue à bord de la Croisière Folk, cette émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Nous allons encore faire un merveilleux voyage qui va vous faire découvrir pas mal d'artistes. Et on a démarré avec Chris Crompton, The Darkness and the Dust. C'est une chanson qui évoque le fait de ne pas être un mineur. Le mineur, donc, c'est la personne qui travaille dans les mines, hein. Ce n'est pas la personne d'un certain âge. Donc c'est une chanson qui a une profondeur et une émotion qui caractérise son style. Et si vous aimez ce qu'il fait, christophercrompton.com, c'est son adresse, c'est son site internet qui vous permettra de mieux le découvrir. Ensuite, eh bien, je vous propose tout de suite avec Maddy Prior et Excalibur d'écouter Secret Garden, le groupe belge Spilar avec Germaine. C'est extrait d'un album sorti en 2020 qui s'appelle Stormweer, autrement dit Météo des Tempêtes. Alors, il faut savoir que ce groupe Spilar s'est produit au Folk Festival Dranouter et au Hensefesten. Ils ont été nominés à deux reprises, pour le prix du meilleur groupe live au Flanders Folk Award en 2021 et 2022, et puis en 2025 pour leur album Van Dag en Alle Dagen. Et puis, pour conclure ces premières parties d'émission, ce sera Donovan qui est écossais, et cette chanson Catch the Wind, eh bien, en février, a fêté ses 60 ans. C'était en effet une chanson sortie en 1965. Si vous avez envie de nous écrire, eh bien, on a un mail, lacroisièrefolk en un mot, @yahoo.com, et puis n'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook, qui s'appelle aussi La Croisière Folk, bon voyage musical avec cette émission La Croisière Folk. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. In a secret garden underneath the cypress tree, he is sleeping and I watch him as he dreams. Oh, my love, keep on dreaming, dream your dreams away, and I will wait for you at dusk beneath the star of Talisman. Oh, my love, keep on dreaming, dream your dreams away, and then come to me at dusk beneath the star of Talisman. I remember when you came to me as autumn fell. The hurt within your heart could not be healed. Oh, my love, keep on dreaming, dream your dreams away, and I will wait for you at dusk beneath the star of Talisman. Oh, my love, keep on dreaming, dream your dreams away, and then come to me at dusk beneath the star of Talisman. Changed mankind, but your magic's not enough to right the world. Oh, my love, keep on dreaming, dream your dreams away, and then come to me at dusk beneath the star of Talisman. Oh, my love, keep on dreaming, dream your

servante, belle servante, allumez les flambeaux et vous les placerez aux quatre coins de mon lit pour avoir souvenir des jours de mon mari. Et vous les placerez aux quatre coins de mon lit pour avoir souvenir des jours de mon mari. Uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. You near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. L'instant Donovan, Catch the Wind, une chanson de 65. Et avant de passer à 1, 2, 3, bien, je salue un petit peu les auditeurs qui nous écoutent d'un petit peu partout, puisque je sais qu'on est écouté du côté de Bruxelles, de Paris, de Charleroi, de Mons, et puis de plein d'autres villes, de Lyon aussi. Je sais que de ce côté-là, on a quelques auditeurs. En Espagne, du côté de Berlin, ça c'est pas l'Espagne, c'est l'Allemagne. Donc on a aussi des auditeurs en Australie qui nous écoutent. C'est toujours ça qui est extraordinaire, je trouve, c'est que quand on peut comme ça être sur Internet, le monde entier peut nous écouter. Allez, tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. Dans 1, 2, 3 aujourd'hui, eh bien, c'est l'album du groupe Galant, Tu perds ton temps. Et en 2016, il sortait l'album Nous irons danser. Alors, Galant, tu perds ton temps, c'est un quintet de musique traditionnelle québécoise chanté a cappella, actif depuis 2003. Le groupe en fait tire son nom d'un vers récurrent dans plusieurs chansons traditionnelles québécoises. Il est formé de 5 chanteuses et est régulièrement accompagné par le percussionniste Jean-François Berthiaume. Le quintet publie ses 2 premiers albums, Fais-toi pas d'illusions en 2004 et le CD Double Galant, Tu perds ton temps 2, après lesquels Patricia Beausoleil cède sa place à Isabelle Payette. Ensuite, l'album Soyez heureux en 2013. Les 3 premiers albums sont le fruit de recherches aux archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval et dans divers cahiers de chansons. Le groupe se charge de reprendre diverses chansons à protagonistes féminins ayant été endisquées par des hommes depuis les années 70, donc les années 70, pour leur disque. Leur disque, Nous irons danser en 2016 qu'on découvre aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé l'expression endisquée. En fait, ça veut dire, c'est une expression très québécoise pour laquelle il n'y a pas d'équivalent ni en français ni en anglais. Donc, endisquée, ça veut dire enregistrer un CD audio. Et de cet album de Galant, Tu perds ton temps, Nous irons danser, sorti en 2016, on écoutera 3 morceaux, L'Oranger, Au bord de la fontaine et Les vagues du Saint-Laurent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Dans le jardin de chez mon père, vive la rose, un oranger il y a, vive ci, vive là, un oranger il y a. Vive la rose et le lilas, un orange il y a. Vive la rose et le lilas. Je demande à mon père, vive la rose. Quand on les cueillera, vive la rose. Il me fit pour réponse quand ton amant viendra. Les oranges sont mûres. Vive la rose, mon amant ne vient pas. Vive la rose, j'ai pris une échelette, mon panier sous mon bras. Je les cueille une à une. Vive la rose, pour les porter avant. Vive ci, vive là, au grand marché c'est ça. Vive la rose et le lilas. Au grand marché, c'est ça, vive la rose et le lilas. Dans mon chemin, je rencontre, vive la rose, le fils d'un avocat. J'ai le cœur si gai d'entendre chanter sonner les cloches de l'amour au gué. Le fils d'un avocat, vive la rose et le lilas. Le fils d'un avocat, vive la rose et le lilas. Qu'avez-vous là, la belle? Vive la rose. Ah, ce sont des oranges. Vive ci, vive là. N'en désirez-vous pas? Il m'en prit une douzaine, ne me les paya pas. Ah, monsieur, mes oranges. Vive la rose. Vous ne me les payez pas. Vive la rose. Montez dedans ma chambre. J'ai le cœur si gai d'entendre chanter sonner les cloches de l'amour au gué. Mon père vous les paiera. Vive la rose et le lilas. Mon père vous les paiera. Vive la rose et le lilas. J'allais de chambre en chambre. Vive la rose. Le bonhomme y était pas. Vive la rose. Ah, c'est toujours comme ça, vive ci, vive là, avec les avocats, vive la rose et le lilas, avec les avocats, vive la rose et le lilas. 1, 2, 3. Au joli mois de mai, la belle ma la la la. Au joli mois de mai, la belle ma dondée. branche d'un chêne, la belle main d'antenne. Beau rossignol chantait la belle mâle, la la. Beau rossignol chantait la belle madondée. Chante rossignol, chante la belle madondaine. Si tu as le cœur gai, la belle mâle, la la. Si tu as le cœur gai, la belle madondée. Il est bien affligé, la belle madondée. Oh, Pierre, mon ami Pierre. Oh, Pierre, mon ami Pierre. En guerre s'est en allé, la belle molle, la la. En guerre s'est en allé, la belle madondée. La belle madondée. Oh, je voudrais que la rose. Oh, je voudrais que la rose. Oh, je voudrais que la rose. Fut encore au rosier la belle mâle, la la. Fut encore au rosier la belle madondée. Oh, et que mon ami Pierre. Oh, et que mon ami Pierre. Et que mon ami Pierre la belle madondaine. Fut encore à m'aimer la belle molle, la la la. Fut encore à m'aimer la belle madondée. Fut encore à m'aimer la belle molle, la la la. Fut encore à m'aimer la belle madondée. Un, deux, trois. Pellida, pella, dilla, dillidam. Pellida, pella, dilla, dillidam. Pedlideam, tideam, tempta dilla dilla dillidam. Pedlida tella dilla dillidam. Pedlida tella dilla dillidam. Pedlideam, tideam, tempta dilla dilla dillidam. Dillam tidam tam dillam tidam tidam tam dillida. Dillidam, tellida, tella, dilla, dillidam, tellideam, tideam, tempta, dilla, dilla, dillidam. Mon père m'a donné un mari. Il me l'a donné, il était trop petit. Je le fis coucher dans mon lit. Dedans la paille, je le perdis. Déluril, on l'a, la fille à mesdames, déluril. Tillam, tillam, tam, tillam, tillam, tillam, tam, tillida. Tadidadillam, tillam, tadillide, tadillam, tadillidam. Tillam, tillam, tam, tillam, tillam, tillam, tam, tillam. lida. Tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, Chandelle et le cherchit. Dedans la paille, le feu a pris. Je pris mon drap et le secoui. J'ai trouvé mon mari rôti. Délurée, lola, la fille à mesdames délurée. Dillam, dillam, dillam, dillam, dillam, dillam, dillam, dillida. Tadidadillam, dillam, tadillide, dillam, dillam. Dillam, dillam, dillam, dillam, dillam, dillam, dillam. Tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam, tadilidam. J'ai pris un plat, je l'y mettis. Le chat passit et l'emportit. Ah, si jamais je me remarie, j'en prendrai un petit pied et demi. Et voilà, nouvel album que je vous fais découvrir, le groupe québécois Galant, Tu perds ton temps avec Nous irons danser, trois chansons qui vous ont permis de découvrir cet album, L'Oranger au bord de la fontaine et Les vagues du Saint-Laurent. La partie poésie de cette émission, eh bien, elle se compose aujourd'hui avec un poème de Paul Verlaine, lu par Robert Hirsch. C'est mon rêve familier. Mon rêve familier, donc ce poème publié en 1866 dans Poèmes Saturnins. Il évoque, il évoque un rêve récurrent où le poète rencontre une femme mystérieuse, à la fois familière et insaisissable. Ce poème mêle musicalité, mélancolie et atmosphère onirique caractéristique du style verlainien. La douceur des sonorités et la fluidité des vers renforcent cette impression de rêve et de nostalgie. Influencé par le symbolisme, il privilégie les sensations aux significations concrètes. La femme y devient un symbole du désir inaccessible et de souvenirs persistants. Et puis juste après ce poème de Paul, eh bien je vous propose Collide avec Auvernashville. Cet extrait de leur album Union Station. C'est le premier album pour ce duo Catherine Messina-Pagic et Daniel Ogden qui est son compagnon. Les Pogues ensuite avec Dirty Old Town. Et puis il y aura aussi le groupe folk pop Picnic avec Palabras, Sonrisas et Promesas. Et dans ce groupe, on trouve une certaine Jeannette qui a quitté le groupe en 69. Ça a fait que le groupe s'est disloqué et donc elle a fait une carrière solo. Elle a entre autres interprété Porqué te vas. Et si vous ne savez pas ce que c'est Porqué te vas, eh bien je vous propose, avant de poursuivre la programmation, d'en écouter quelques extraits. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. La croisière folle. May the force be with you. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend. Car elle me comprend. et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde, rousse? Je l'ignore. Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. You're riding in on the night bus, wiping the sleep out of your eyes. City skyline is rising up ahead like an album cover full of lies. With that dream in your head so big and bold, you're just sure that the streets are paved with gold records. You see the sun coming up over Nashville. You just arrived and you think you're Johnny Cash. Well, just start singing, playing that guitar. Starts ringing, you'll be a star before the sun comes up again over Nashville. Well, there's a Grammy winner on every corner, and there's a legend tending every bar. You play every honky-tonk, hear every story, and a good night when they clap and fill the jar. Living on spare change, those cowboy boots are heavy when you're walking off the stage alone. You played your heart out all over Nashville. Been here a while, but you're still not Johnny Cash. Well, you keep singing, playing that guitar. Still your phone ain't ringing. There ain't no stars. There's only the bar scene gets lonely on a crowded night, but nothing beats being on that stage under the lights. If you're looking for fame, wear a costume, change your name, but you don't have to play that game to feel alright. Of the heroes you never recognize. They played a lifetime, not for glory, just for the magic and a love that never dies. Try to learn, take your turn, fill in their shoes. Write your three chords and the truth, you've got nothing left to lose. She broke your heart, but you can't get. You finally figured out there's just one Johnny Cash. Well, you keep singing, playing that guitar, until it's ringing just like a star shining bright over Nashville. You play your heart out all over Nashville and watch the sun come up again over Nashville. I met my love

Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la minute astuce d'aujourd'hui, je vais vous donner un petit remède anti-coup de pompe. Est-ce que votre nuit a été rude ou alors beaucoup trop courte? Pensez à glisser un flacon de menthol dans votre sac à main ou dans votre poche avant de quitter la maison. Dès que vous piquerez du nez au bureau, versez-en quelques gouttes sur un mouchoir que vous respirez à plein poumon. Et croyez-moi, l'effet est garanti. La musique avec Vent du Nord et Les Amants du Saint-Laurent, extrait de cet album du même nom, sorti en 2005. C'est leur deuxième album, ils en ont fait 12 au total. Et je peux vous dire que tous les albums de ce groupe, Le Vent du Nord, mettez-les dans votre discothèque. C'est génial, entre autres, d'écouter du Vent du Nord quand vous voyagez. Ça fait son petit effet. Il y aura aussi Darin et Brooke Aldridge avec This River. La croisière folk. Remember. Pierre-Joseph était un jeune marchand, n'avait seulement que 19 ans. Louise Cadet, fille du marchand boucher, a quant à elle 17 années. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, leur chère Agathe. Québec 1754, amoureux fous, ils sont tombés dans une veillée, la chère Agathe. Ont-ils voulu partir pour se marier dans la jeunesse des accusants? Jean le tuteur du bientôt jeune galant refusa son consentement. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent s'enfuir vers Montréal, éviter les charivaris, prendre un canot en pleine nuit. Ils eurent reçu leur fuite. Et aussitôt en voyant les archers de la marée-chaussée, le Saint-Laurent, Zagreb, le Saint-Nicolas, les amoureux furent capturés dans les cachots de la capitale. Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Dans les cachots de la capitale, Pierre accusé d'enlèvement s'enfuit de la prison royale. Sept ans plus tard, par un beau lundi matin, trois petits sans prévenir. C'est votre amant qui à nous ôta la main, ouvrez la porte des souvenirs. J'ai parcouru bien les vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. J'ai parcouru bien les vallées pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. J'ai parcouru. Pour revenir à l'endroit même où mes yeux vous avaient quitté. splendor, gently flowing. Let her take you where she's going, through a jagged canyon and out to sea. I may never understand her, but this river has power over me. With fire and passion, so engaging, it can calm you, although it's raging, flooding all the timbers, scouring the land. Nothing else could ever change you like this river. This river can. As it rushes to the ocean, winding its way, constantly in motion, forever and a day, through my heart and soul, this river flows. For my whole lifetime, oh, the healing waters, how they saved my soul. When I die, take my ashes to her shore and let the river flow. As it rushes to the ocean, winding her way, constantly in motion, forever and a day, through my heart and soul, this river flows. Et voilà, c'est ici que l'on se quitte et je vous propose une chanson du groupe folk rock allemand D'Artagnan, Greensleeve, extrait de leur nouvel album sorti en 2024 qui s'appelle Herzblut, c'est le sang du cœur. Si vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus hein, sur ce groupe, eh bien vous allez sur leur site www.dartagnan.de. Pour info, il y a la liste des concerts. Mais je peux déjà vous dire qu'ils sont en concert en France au mois de mai, en Espagne au mois d'août et en République tchèque en juillet. Voilà, ceci dit, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette croisière folk, que ça vous a fait voyager et que c'est de la musique qui vous aura fait du bien, que vous aurez aussi appris peut-être à découvrir certains artistes que vous ne connaissiez pas. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. I know a cafe where the women are so... I know the place, Jim. Let's go see. You gentlemen, in your condition, don't be ridiculous. Mr. Spock, this cafe has women that are so... Ça, c'est comme les traumatismes. On fait tout pour les refouler. C'est comme quand les sentiments sont trop forts. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously. For I have loved you well and long, delighting in your company. Green sleeves was all my joy, green sleeves was my delight. Still thy lover true, oh come once again and love.